soirée. Juste avant, une annonce spéciale pour ceux qui ont fait le séminaire. La conférence privée de dimanche dans deux jours n'aura pas lieu au Château-Royal, mais au Palace. Donc, le Palace est situé au coin de Saint-Martin et Le Corbusier. On me dit de dire que c'est en face du McDonald's, que tout le monde va savoir où est-ce que c'est. Cette conférence a pour titre « Intrusion dans le monde des forces qui gouvernent l'homme ». Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire qu'on utilise, faites-vous-en pas, au bout de deux, trois conférences, déjà vous allez être familier avec la façon dont on parle. Et de toute façon, à la pause, il y a des gens qui nous ont parlé, puis qui nous ont dit qu'il y avait certains termes avec lesquels ils n'étaient pas familiers. Puis on a pris ça en note, puis on va élucider ça ici. Et puis, entre autres, il y a le cours « Introduction à la cosmogonie de la réalité » qui fait en sorte que ça vous familiarise avec le vocabulaire qu'on utilise. Alors, intrusion dans le monde des forces qui gouvernent l'homme. Moi, quand j'ai des questions. Oui. Moi, quand j'ai entendu ça, là, tout de suite, j'ai vu un vaisseau, là, comme dans Patrouille du Cosmos, avec des gros méchants là-dedans, là, qui avait juste des mauvaises intentions. C'est la Terre, ça, là. Non, c'est la Terre que j'ai vue. Mais la Terre, c'est une planète de prédateurs. Là. Puis, mais c'est ça, quand on dit les forces qui gouvernent l'homme, moi, je vois des individus. Est-ce que c'est des personnes, c'est personnifié? Est-ce que c'est... Bon, moi, quand je parle de force qui gouverne l'homme, nécessairement, je ne parle pas d'individus parce que les individus sont des hommes, avec un grand H. Donc, des hommes, des femmes et des enfants. L'être humain est manipulé, l'être humain est dans un contexte totalement absurde. Et l'être humain s'est donné des explications spirituelles et parfois scientifiques pour expliquer, même stressement politique, de façon à camoufler ces gouvernements invisibles-là. Mais quand tu dis spirituel, là, souvent, c'est, on va dire que quand c'est spirituel, c'est correct, c'est bon. C'est... Ouais. Comme quand on dit scientifique ou quand on dit politique. Mais spirituel, ça a une connotation vraiment positive. Un peu comme on dit, les anges gardiens nous guident, le Seigneur nous guide, des choses comme ça. Ou encore, quand par exemple, tu perds un bras puis un œil, ben, c'est parce que Dieu veut éprouver ta foi. Dieu veut plutôt savoir si tu es stupide. Fait que si tu continues de l'aimer, tu es stupide. Mais il ne t'ordonne pas ton bras et ton œil. Jamais de la vie. Tu as beau l'aimer comme tu voudras, sauf que ça, c'est fini. Le homard, son bras va repousser. Parce que Dieu ne l'aime pas. Mais toi, ton bras, oublie ça. Fini. Mais quand il faut vivre notre spiritualité, toi, qu'est-ce que tu entends par quelque chose de spirituel? La spiritualité, c'est l'explication émotive des choses dans le but de brimer totalement l'intelligence de façon à rassurer au maximum nos structures égoïques, donc notre ego. Ça veut dire que si je vois un phénomène inexpliqué, je vais mettre ça automatiquement le plus vite possible sous une force bénéfique normalement. Si je mets ça sous une force maléfique, ben, il y aura nécessairement une polarité opposée qui sera une force bénéfique et je m'arrangerai pour, par représentation humaine, c'est-à-dire que j'essaierai de recréer des dieux à l'image et la ressemblance de l'homme. Donc, aussi un monde céleste qui ressemble finalement à la gestion planétaire créée par l'humain, donc ce que mon ego connaît, et je m'arrangerai pour essayer d'acheter le bon Dieu en lui disant qu'il est beau, en lui disant que je l'aime, en lui disant que c'est le plus fort, puis en lui disant que j'haïs l'autre aussi, puis même que j'haïs les autres dieux. Je vais essayer d'acheter finalement ma place au paradis, comme on fait avec l'humain aussi, on essaie d'acheter quelqu'un, ou on essaie d'avoir l'aide de quelqu'un, et nécessairement, on doit être contre ses ennemis, puis être pour lui, etc. Et les explications spirituelles, ce sont des explications. Par exemple, à un moment donné, si justement tu perds un œil, ben, au lieu de trouver ça stupide, il y a plusieurs humains sur la planète Terre, c'est-à-dire quelques milliards, qui vont trouver ça correct. Bon, un enfant vient handicapé, bon, vient au monde handicapé, et on pourra dire, ah, c'est parce que les parents ont fait quelque chose de pas correct. Ah oui, fait que Dieu, il s'est dit, t'as fait quelque chose de pas correct, fait que ton petit enfant, il va payer le prix. Un Dieu de même, écoute, tu mets ça aux poubelles. OK, ça, c'est la vision spirituelle qui amène c'est une des visions spirituelles. Il y a d'autres visions spirituelles qui montrent les visions réincarnatives, les visions occultes, les visions ovniques, les visions où, par exemple, c'est tout est expliqué par les soucoupes volantes, par les extraterrestres. Une vision spirituelle, c'est une vision qui est émotive. Oui, une vision scientifique, c'est une vision qui est cartésienne, donc intellectuelle. Et les visions politiques sont des visions, ce sont des explications mensongères. Souvent dans le but de cacher justement les forces qui gouvernent l'homme à l'homme. Alors, on a par exemple des. Bon, parmi les forces qui gouvernent l'homme. Attends, je t'arrête tout de suite. Tantôt, tu parlais de l'intelligence, que les explications émotives empêchent à l'homme de révéler son intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est simple. Le feu prend dans un village et explication émotive, donc explication spirituelle, ça va être que c'est le courroux de Dieu. C'est Dieu qui veut punir. Alors, il n'est pas question qu'on éteigne le feu. Attends, il n'y a pas personne qui empêche qui va laisser le feu aller parce que c'est Dieu qui le laisse aller. Plus tu es spirituel, plus tu le laisses aller. Moins tu l'es, plus tu penses éteindre. Puis quand tu ne l'es pas trop, tu veux l'éteindre. Quand tu ne l'es pas du tout, tu t'approches ceux qui ne l'éteignent pas puis tu t'arranges pour l'éteindre. Bon. Alors, tu as toute une lignée complète qui va faire que il y a plusieurs spirituels qui vont être là. Bien, aujourd'hui, de moins en moins, mais le monde est de moins en moins spirituel parce que le monde est de plus en plus cartésien. Ça veut dire que même si ta spiritualité n'a pas diminué, ton intellectualisme, ton cartésianisme a augmenté, ce qui, finalement, en proportion, diminue ta spiritualité. Puis, nuance, spiritualité, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'humain. Ça, c'est de l'amour humain. Mm-hmm. Bon, moi, j'aime, moi, j'ai pas d'émotion, mais j'ai beaucoup de sentiments. Je n'ai pas de spiritualité. Mais je vais faire des choses qui sont au summum de ce que certains spirituels vont faire, et je peux même faire ou vivre des choses que les spirituels n'arrivent même pas à faire. Bon, et ça n'ôte rien à rien. Ce que je veux dire, c'est que je n'aiderai pas, par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin parce que ça plaît à Dieu ou parce que c'est pour mériter le ciel. Je vais aider quelqu'un qui est dans le besoin parce que je suis en maudit de voir encore du monde dans le besoin de sa planète. Mm-hmm. Bon, et je vais donc être capable de faire des choses sans avoir besoin de raisons spirituelles, en ce sens, gagner une place au paradis ou fuir une place en enfer, mais uniquement parce que je peux aimer l'humain sans être obligé d'aimer l'humain. Ça, c'est de l'intelligence, ça? Oui, c'est de l'amour intelligent. Alors que les visions spirituelles ou les visions scientifiques ou les visions politiques, la vision politique, évidemment, on ramasse. La vision spirituelle, souvent, ça va être des visions qui sont là pour adoucir, pour nous empêcher de nous poser des questions. La spiritualité, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire, puis c'est très, très important qu'elle reste sur la planète Terre, parce que la majorité des êtres humains ne sont pas encore capables de supporter le poids de questions qui demandent des réponses qui vont les amener à s'ouvrir à une réalité plus vraie. Alors, nécessairement, ces personnes-là sont obligées de vivre dans le culte de l'ésotérisme, ou le culte des religions tribales, ou le culte des religions organisées, comme le catholicisme, l'hindouisme, etc. Et c'est parfait. Sauf qu'il vient toujours un moment donné où l'être humain vit, l'être humain est confronté à des systèmes, l'être humain est confronté à de la stupidité, à de l'absurdité. L'être humain est confronté... Si on regarde les religions planétaires, l'être humain a été créé et les dieux qui l'ont créé, bon, parce que je parle des religions, que ce soit Yahvé, que ce soit Allah, que ce soit Krishna, que ce soit le bon Dieu, que ce soit mon père, etc., les dieux qui théoriquement ont créé l'homme, ben, se foutent royalement de l'humanité. Et l'explication émotive du fait que ça va si mal sur la planète, ben, on va dire c'est à cause de l'homme. Mais ça fait partie des explications émotives. Les explications scientifiques, ben là, on va y aller avec les lois naturelles, on va y aller avec d'autres causes. On peut rentrer une science qui n'est pas trop... une science injuste qui va être la psychologie pour essayer d'expliquer, ou la sociologie, ou l'histoire, essayer d'expliquer un peu ces choses-là. Alors que l'humain, à un moment donné, devrait arrêter la roue pour se dire, écoute, chaque fois que je vis croche, je vais en santé. Chaque fois que je commence à vouloir me prendre en main, je commence à être malade. Bon, chaque fois que ça commence à bien aller, on te lance un pot, c'est pas long que ça va bien, puis t'es pas confiant, parce que tu as tellement expérimenté la vie que tu finis par te rendre compte que c'est illégal d'être heureux sur la planète. Ah, c'est légal d'être mijotant dans une forme de bonheur ou ce que le bonheur qui existe parce que t'as pas trop de malheur. Ce qui va faire dire à certains humains, le bonheur, c'est les malheurs qu'on n'a pas. Mais franchement, c'est autre chose. Alors, quand la personne commence à vouloir s'ouvrir un peu pour comprendre les mécaniques qui gèrent sa vie, elle doit nécessairement sortir des explications spirituelles. Ça ne veut pas dire que les explications spirituelles sont fausses. Ça veut dire que les explications spirituelles sont émotives. Donc, je vais accepter ce qui me plaît et je vais rejeter ce qui ne me plaît pas. Mais comme il y a déjà une force qui gouverne ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas, bien, tu es fait énormément parce que tu vas rejeter ce qu'on veut que tu rejettes et tu vas accepter ce qu'on veut que tu acceptes. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que les forces qui gouvernent l'homme se servent de la spiritualité? Ils se servent à peu près uniquement de la spiritualité et ensuite ils se serviront de la science. OK, mais OK. Bon, de la spiritualité, juste une minute. C'est que la façon dont tu amènes ça, tu parles des dieux et tout ça, je sais pas si tout le monde dans la salle ici sont là à prier Dieu ou comme ça se faisait avant. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de mouvements de croissance personnelle, croissance spirituelle, qui parlent plus de Dieu dans le temps, dans le sens de énergie cosmique. C'est plus large, c'est plus rattaché à une personne comme la religion l'amenait ou des sectes. Bon, là, c'est plus un mouvement général. Ça, tu rentres ça là-dedans, tu rentres ça dans la spiritualité, ça. Oui, c'est la spiritualité, c'est une explication émotive. Je peux te donner un exemple pour voir si c'est vraiment au niveau de vision spiritualité, là. Je travaille avec un homme, il me demande des nouvelles de mon ami. Là, je dis, ben, il s'est crevé presque un œil en jouant au badminton. Puis là, lui, il parle, et souvent, il me parle de choses. Bon, ça, c'est les lois cosmiques, des choses comme ça. Puis là, ben, il doit avoir quelque chose à apprendre là-dedans. Ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est une vision spirituelle des choses. Si, en réalité, c'est une force, c'est une énergie, OK, qui vous écœure parce qu'elle vous déteste. Puis que nous, on dit, ah, t'avais quelque chose à apprendre. Ah, c'est de ta faute, là-bas. Ah, ben, c'est à cause de... Mais à un moment donné, si je me dis, là, c'est peut-être de ma faute, ça se peut que c'est une loi cosmique, c'est qui a foutu cette loi-là, là? Mm-hmm. Je suis puni parce que j'ai fait une chose que je ne savais pas qu'il fallait que je fasse pas. Hein? C'est simple. Tu sais, c'est ta faute. Oui, mais je ne le savais pas. Pas grave, ta faute pareil. T'as bien à savoir. On le sait tout le temps après, de toute façon, qu'on a fait quelque chose. Là, quand tu es au monde, apparemment, t'as tout oublié en plus, tu sais. C'est de ta faute, t'as rien à savoir. Bon, pour ça, allons-y avec ça. C'était très, très, très, très intéressant. Moi, ce que je dis simplement, c'est que si tu me dis il y a un Dieu quelque part, j'ai rien contre. Mais l'humain, il ne le connaît pas. Puis l'humain, il continue à prier ou à communiquer ou à nourrir ou à entretenir ou à croire et à protéger et à défendre ses pires ennemis. Mais est-ce que Dieu, c'est une force qui gouverne l'homme? Dieu, c'est un mot. C'est un mot? C'est un mot. Qui représente rien. Il représente plein de choses, dépendamment des personnes. La problématique d'utiliser le mot Dieu, c'est que veut pas au niveau des égrégores, au niveau des ondes de forme, le mot Dieu oblige l'humain. Chaque mot a une puissance. Et le mot Dieu oblige l'humain à être confiné dans un certain créneau de vie et à une certaine limitation au niveau de sa compréhension. Si je dis Dieu, je comprends des choses. Si je dis force cosmique, ça peut inclure ce que je voyais de Dieu, mais ça m'ouvre à d'autres choses. Pourquoi de plus en plus l'humain essaie de trouver de nouveaux mots pour désigner ces choses-là? Mais si tu dis Krishna, c'est une autre chose qui inclut une partie de la vision divine, la vision de Dieu que plusieurs auront. Mais si tu parles de Moroni, ou si tu parles du Manitou, ou si tu parles d'Allah, ou si tu parles de d'autres dieux, ça peut être totalement à l'opposé. Mais tu sais, l'énergie bienveillante, parce que les gens, quand ils parlent de Dieu, ils parlent d'un père. L'énergie bienveillante, la seule que j'ai rencontrée jusqu'à date à travers mes vies, elle provenait de l'être humain. J'ai jamais rencontré d'énergie bienveillante qui provenait d'ailleurs. Mais même l'énergie de mon père, c'est pas une énergie bienveillante, ça? Ça provenait de l'être humain. Ça provenait de Jésus, c'est ça? Ou juste de l'être humain en général? Tu parles de ton père ou tu parles de Jésus? Quand mon père, tu sais, qui est aux cieux, cette énergie-là, là, qui a été récupérée par l'Église. Là. Oui, cette énergie-là est intéressante, une énergie grégorienne qui est là pour... en tout cas, bon, c'est parce que là, c'est vrai. Grosse conférence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, de par son expérience, de par sa vie, nourrit sans arrêt ce qu'on appelle le monde astral. Le monde astral, c'est le monde de la mort. C'est le ciel. Bon, le ciel. Les forces qui gouvernent l'homme sont dans cet astral-là. Il y en a plein, il y en a là, puis il y en a ailleurs. Mais on est sur une foutue planète. Mais j'espère que vous aviez remarqué. Chaque pays a des problèmes, puis il y en a qui en ont, ça n'a pas de sens. On est sur une planète où vous pouvez rencontrer de tout. C'est une planète absolument géniale. D'ailleurs, c'est une croisée extraordinaire dans la création, où vous allez rencontrer des êtres humains riches, instruits, intelligents, beaux. Sur la même planète, des êtres humains qui vivent dans des dépotoirs et qui mangent des insectes et qui fouillent dans des affaires. Vous allez rencontrer des gens qui vont charcuter des enfants ou des femmes ou des hommes pour ça, aucun problème. D'autres qui ne dormiront pas juste d'avoir vu une sauterelle se faire écraser par une automobile. Vous allez rencontrer des gens qui des cités, des sociétés comme celle-ci où même en plein hiver, on peut se payer des conférences et puis on peut être chauffé, on peut être bien. Alors que vous allez aller dans d'autres places qui ne pleut pas, ils crèvent de faim ou ils crèvent de froid, ils n'ont absolument rien. On a de tout, des gens qui veulent tuer, qui veulent la guerre, des gens qui veulent sauver, qui veulent la paix, des maladies, des médicaments. On trouve un nouveau médicament, on invente une nouvelle maladie. C'est parfait. Il y a de tout. De A à Z. Des gens qui croient à la technologie, des gens qui font tout pour retourner au Moyen-Âge. Il y a de tout. De quoi on se plaint? Et on se plaint. Parce qu'on n'est pas dans le bon monde. C'est un mélange ici. Il y a eu une collision quelque part, mais... Il y a un nœud ici. Ah, si, il y a plus qu'un nœud ici. C'est tout un moton. Le Nazaréen, Jésus avait dit à un moment donné, quand vous priez, etc., ben non, quand vous avez des choses à placer, la majorité de vos énergies, vous devriez placer ça dans le ciel, là où les voleurs ne vont pas, etc. Ben, les voleurs, ils vont au ciel aussi, parce qu'ils l'ont toujours dit, quand le voleur, il meurt, il va aller au ciel pareil, s'il demande pardon. Bon. Mais c'est une autre histoire. Disons qu'il ne va pas voler. Mais tu as dit que le ciel, oui, c'est le monde de la mort. Oui, c'est là que vont les morts. C'est le monde de la mort. Quand on meurt, on va au ciel, oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils nous disent. En tout cas, c'est là que le monde veut aller, hein? Il y a le purgatoire. Le purgatoire, c'est des parties du monde astral où, progressivement, ton expérience égoïque va se dissoudre. Puis quand tu arrives en haut, ben finalement, il reste la partie la plus pure de toi. Mais il reste plus grand-chose. Mais le ciel, là, c'est pas juste un... Le ciel, c'est pas juste une connotation religieuse. Ça, là, ça existe vraiment. C'est dans l'astral, ça, le ciel. Le ciel, c'est pas dans l'astral. Le ciel, c'est le terme religieux du monde astral, qui est le terme occulte du monde de la mort, qui est le terme... Kempien, non? Thanatologique. C'était quoi la question? Bon. Donc, le ciel, c'est l'astral. Oui, et l'astral? C'est le ciel. Voilà. C'est la rétroaction quand on donne des cours. Je peux m'en aller tout de suite? Non, c'est pas fini. L'être humain vit de l'émotion. L'être humain, dans son émotivité, il va vivre. Et l'être humain va vivre de l'espoir. L'être humain va vivre du malheur, va vivre du bonheur, va vivre de la peur, va vivre de la honte, va vivre de la jalousie, va vivre, bon, il y en a plusieurs. Bon côté, mauvais côté. Vis ce genre de choses pour un panoplie de mécanique que je vais sauter dans lors de la conférence ici, c'est trop long. L'humain, ce qu'il fait, c'est qu'il crée de l'expérience. Cette expérience-là, bon, c'est dans l'atmosphère, mais c'est ça qui est le monde astral, qui est le ciel. Et c'est mémorisé, c'est placé là-dedans. Ça fait partie de la mémoire de l'humain au niveau de son astral privé, son âme. Et ça nourrit aussi l'astral collectif. Donc, les nations vont penser d'une certaine façon parce qu'ils ont un monde astral collectif. Et tout ça, c'est dans un astral planétaire qui, finalement, est le ciel, le monde de la mort. Chaque dieu va naître progressivement dans un égrégore particulier, donc dans un ciel particulier. Alors, quand vous allez venir au monde, première chose que les forces cachées qui gouvernent l'homme, quand on parle des forces astrales, vont exiger plutôt de votre nation, c'est de vous baptiser. Ça veut dire que par une cérémonie qui est un rituel qui fait en sorte qu'on est certain que vous allez vous connecter au bon égrégore, on va vous donner un nom. Et on va vous donner un nom qui est typique de l'égrégore, un nom qui provient normalement du passé, parce que les égrégores sont nés avec l'expérience humaine, donc à travers le passé. Alors nous, les catholiques, sur nos baptistères, ben c'est Joseph, Daniel, Kim, puis les femmes seront Marie, machin, chouette, etc. Et si vous devenez Krishna, on va vous donner un nom qui va ressembler à ça. Quand vous devenez témoin de Jéhovah, la première chose qu'on fait, c'est de vous déconnecter à l'égrégore catholique pour vous connecter à l'égrégore de Jéhovah, et on va vous rebaptiser. Et c'est comme ça. Un égrégore, c'est une religion? Pas nécessairement. Le parti politique, c'est un égrégore. Il peut y avoir un égrégore familial aussi, dans le genre, je te donne une claque, puis toute ta famille a l'impression d'avoir mangé une gifle, il faut que tout le monde se venge. Mais les religions sont de très, très, très, très, très gros égrégores qui, s'ils ne sont pas nourris, donc alimentés par des fidèles, finissent par mourir aussi, d'où l'extinction de certaines religions. Et nécessairement, il y a des guerres entre les religions, ce qui oblige des guerres entre les humains. OK. Les forces gouvernantes puis les égrégores, c'est-tu la même chose? Y a-t-il une équivalence là-dedans? Bon, parmi les forces, on parle bien de forces avec un S, parmi les forces qui gouvernent l'homme, il y a nécessairement les forces égrégoriennes, donc les forces astrales. Et il y a d'autres forces sur lesquelles on va revenir. Il y en a plusieurs. On va en couvrir quelques-uns ce soir. Bon. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que si quelqu'un me dit, à un moment donné, moi, j'ai eu des contacts avec une énergie extraordinaire, puis... C'est, ça l'aime l'humain, puis ça veut pas maganer l'humain. Ça se peut. Aucun problème. Il y en a. La nuance, c'est que ces forces-là, on ne les prie pas. Mais est-ce que ça gouverne l'homme? Est-ce que... Ces forces-là ne gouverneront pas l'homme. Alors, c'est pour ça que moi, je veux juste qu'on en parle un petit peu ici, très c'est rapidement. Ça. Est-ce qu'ils sont au service de l'homme? Ils sont... Non. Ce sont des forces qui sont là, un peu comme toi et moi. Je te gouverne pas, tu me gouvernes pas, mais on peut peut-être s'associer, par exemple, créer une alliance. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est que prier veut dire quoi? Prier veut dire ordonner. Ordonner veut dire mettre de l'ordre, mais ordonner veut dire aussi donner un ordre. Bon, alors, si on regarde, par exemple, quand on dit à quelqu'un, là, sors d'ici, je te prie. C'est clair. Mm-hmm. Prier, c'est un ordre. Alors que la majorité des humains pensent que prier, ça veut dire... Supplier, vanter... Remercier. Demander. Mais c'est quêter. Oui, demander quêter, mais plus quêter que demander. Je suis plus fort encore. Demande vraiment à genoux. Alors que la prière, c'est un ordre. Et quand on regarde l'Église catholique avec l'histoire, par exemple, de Jésus qui dit aux autres, je vais vous montrer à prier, notre Père qui est aux cieux, blablabla, et qui finit avec Amen, qui veut dire ainsi soit-il, donc qui veut dire qu'il en soit ainsi. C'est une conclusion d'ordre. Je veux, donne-moi mon pain quotidien. Après ça, qu'il en soit ainsi. C'est Amen, c'est le terme. Bon, ainsi soit-il. C'est un ordre, c'est une explosion dans la matière d'un ordre humain. Mais l'humain ne comprenant pas, parce que l'humain est gouverné par des forces invisibles, qui, par le biais de certaines formes de spiritualité, l'amène à s'aplatir complètement et à démolir, à défaire les outils, finalement, que certains messagers auront donné à l'humain, que certains avatars auront donné à l'être humain. Alors donc, quand je parle de force qui gouverne l'homme, je parle de ce qui crée l'obscurantisme chez l'humain, ce qui désinforme l'humain, finalement, pour amener l'humain à adorer des choses qui... Le culte du diable grimpe de plus en plus aux États-Unis, et là, on fait des sacrifices. Pendant longtemps, l'être humain sacrifiait des enfants, sacrifiait son propre peuple pour les dieux. Et c'est le même genre de spiritualité. Aujourd'hui, il y en a qui vont aller faire des grands pèlerinages au risque de leur vie pour des religions. Et là, nous, on va dire, ah oui, mais ça, c'est pas les bons dieux. Ils disent la même chose quand ils nous regardent aller. Alors, comment Dieu permet-il que plusieurs puissent penser qu'il y a d'autres dieux, si ce dieu-là est comme ça? Et même dans l'Église catholique, les élus, les saints, ce sont les martyrs. D'ailleurs, ce qu'on retient de Jésus, c'est qu'il est sur une croix en train de saigner. Mais on ne retient rien de bon de lui, dans son bonheur ou dans sa jeunesse, etc. La religion, ce qu'elle va privilégier, c'est encore une fois la souffrance. Parce que ces religions-là sont basées sur une chose, c'est d'obscurcir l'être humain. Et ça n'autre pas, par exemple, la réalité de la source de Jésus ou de ces choses-là. Mais dans les forces qui gouvernent l'homme, donc, ce n'est que négatif. Tu dis que ça mène à l'obscurantisme, ça mène... L'être humain a de l'intelligence. L'être humain est organisé pour pouvoir s'en servir. C'est par ces forces-là, est-ce qu'elles sont intentionnelles? Ça, ce sont des questions de trop grande envergure qui vont échapper totalement à la compréhension de trop de gens si on commence à parler de l'intentionnalité de ces forces-là. On va présentement plutôt parler de mécanique de ces forces-là. Un peu comme quand il pleut, ça vous mouille. Est-ce que la maudite pluie veut vous mouiller? On va laisser faire, là? On va dire non. On va dire c'est une mécanique. Une mécanique. Et pourquoi il y a du monde? Avez-vous déjà remarqué, parce que moi j'ai remarqué ça souvent, chez moi, dans ma cour, j'ai une grande cour et puis j'ai un sentier avec des dalles de ciment. Alors c'est deux dalles de ciment à chaque bord, ça va. Quand il pleut, un peu, on marche, cette dalle-là est sèche, elle est mouillée, elle un peu, elle est sèche, elle est mouillée, ces cinq-là sont mouillées, elle est sèche, l'autre est mouillée. Je me tiens sur la dalle qui est sèche, quand je parle à quelqu'un, tu sais. Moi, il n'y a jamais deux sèches d'affilée, fait que l'autre ben non, est mouillée. Ben non, c'est ça, l'autre est mouillée, puis là, il me prend pour un dieu, mais c'est parce que c'est une question de dalle, tu sais. OK, bon, tu parlais de... On va revenir aux forces, là, on va laisser les dalles à leur place. Les forces cachées qui gouvernent l'homme, il y a des égrégores, ça fait partie des forces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force qui gouverne l'homme? Bon, tu veux que je te fasse une liste des forces qui gouvernent l'homme? Ben oui. Sans t'expliquer ce que c'est. Non, mais ça va amener à des explications. Donc, il y a les forces astrales qui gouvernent l'homme. Les forces astrales gouvernent l'homme par le biais de son émotivité. Ce sont les forces astrales qui engendrent la majorité des désirs chez l'humain. Les désirs sont engendrés de façon à vous obliger, ça fait partie des lois de l'occupation qui gère l'humain dans le contexte actuel de la planète, vous occuper au maximum pour pas que, bon, alors la créativité rentre là-dedans, la loi de créativité dans l'occupation. Alors, la loi du désir, c'est qu'on te fait avoir un paquet de désirs sans arrêt pour que tu sois toujours en train d'aller vouloir aller chercher des choses. Puis quand tu l'as, désire d'autres choses. Quand tu l'as, désire d'autres choses. Puis quand tu l'as presque, ben, on peut te faire lâcher aussi la créativité. T'es presque fini, tu finis jamais rien, tu changes tout le temps. Ça fait partie des lois qui dirigent l'humain. Ça fait partie des lois astrales. L'astral a besoin de se nourrir de l'être humain au niveau émotif pour continuer à vivre. L'astral, ça fait partie de... C'est ce qui va engendrer souvent la pensée. Hein? Quand on parle dans sa tête, on parle. D'ailleurs, des fois, il faut même qu'on se raisonne. Mais ce qu'ils pensent tout seul, ça, c'est pas nous autres. Quand vous voulez vous coucher le soir et vous parler dans votre tête, si vous dites « Bon, je me tais », parlez plus, continuez à penser. « Bon, je pense plus », continuez à penser. La pensée n'appartient pas à l'humain. Mais l'humain pense ce qu'il pense. C'est partie des forces qui gouvernent l'homme, ça fait partie des mécaniques. On pourra en parler un peu plus. Il y a ensuite des forces qui sont plus... occulte, ce qu'on appelle dans certains cadres les maîtres du monde. Maîtres du monde, ça ne veut pas dire sont des maîtres dans le genre de bonhomme ou de bonne femme qu'on aimerait suivre pour apprendre des choses. Ce sont les maîtres du monde dans le sens que vous ne ferez pas ce que vous voudrez, que vous allez vouloir faire, c'est eux autres qui dirigent. Mais on pense spirituellement qu'on parle de maîtres du monde. On les met sur un piédestal. Ce sont des grands bichous célestins qui sont là pour t'aider. Mais depuis le nombre d'années qu'ils sont maîtres du monde... Mais c'est-tu du monde, maître du monde? Est-ce que c'est des personnes? Ce sont des personnages qui, à un moment donné, auraient pu fusionner et qui ont refusé la fusion. Parce que c'est compliqué. Mais ils ont un corps physique, c'est tout. Non, ils n'ont pas un corps physique, ils ont un corps de lumière. Mais ben, quand la problématique, c'est qu'ils doivent se ramasser, cumuler suffisamment d'énergie humaine dans une certaine forme de développement spirituel pour être capable d'avoir un quota suffisant, pour être capable de quitter le contexte planétaire. Donc, ils servent de l'humain pour ça. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont monter l'humanité dans certaines régions, historiquement, c'est ce qu'ils ont fait, à un certain niveau d'énergie spirituelle, donc énergie de conscience. Ils montent à un autre niveau, mais quand il y en a qui veulent aller trop haut, ils commencent à taper. C'est pour qu'ils restent là, là. Bon. Les maîtres du monde font partie de certaines forces qui gouvernent la planète. Mais sont où? Ils sont un petit peu au pôle Nord, ils sont un petit peu au Québec, ils sont surtout dans l'Himalaya, ce qu'on appelle l'Agartha. Shambhala, c'est le versant assez noir et assez vieux et assez antique de ces forces-là. L'Agartha, c'est un versant plus blanc qui commence de plus en plus à être gris parce que l'humanité est rendue meilleure que ce que l'Agartha peut être bonne. Alors là, 200-300 ans, l'Agartha était blanche. Là, 1000 ans, l'Agartha était vraiment blanche par rapport à l'humanité. Aujourd'hui, l'être humain de ces contextes nord-planétaires-là est de plus en plus conscient, de plus en plus écologique, de plus en plus ouvert. Et nécessairement, eux autres, ils ne bougent plus. Donc, il y a des maîtres du monde. En veux d'autres? Oui, bien, s'il y en a d'autres. Il y en a encore d'autres, il y en a quelques autres. Mais oui. Il y en a que c'est pas plaisant de parler. Moi, je peux en parler. Bon, je vais les nommer à cause de toi. Il y a des êtres sur la planète Terre. Nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Il y a des entités de la nature. Il y a des hommes, des femmes et des enfants. Il y a des maringouins. En tout cas, on est une grosse gang, d'après ce que... D'ailleurs, le poids des insectes de l'humanité, c'est 10, 20, 30 fois plus pesant que le poids du reste des animaux. Baleine y compris. Alors, il y a de quoi manger. Ou se faire manger. Effectivement. Il y a de cela plusieurs millions d'années, est arrivé sur la planète Terre des peuplades qui venaient de d'autres planètes. Et ces peuplades-là ont été amenées ici plus ou moins en prison. Et ils sont arrivés sur la planète Terre. Ils étaient relativement humanoïdes. Et par contre, ils ont choisi, enfin, on a choisi cette planète parce qu'elle était sulfureuse, carboneuse, nitreuse, chaude. C'était un territoire impeccable. Alors, ils se sont implantés là-dessus. Progressivement, la planète a commencé à se refroidir. C'est à l'époque des dinosaures. Et ces êtres-là ont été obligés de, pour survivre sur la planète Terre, leur génétique ne le permettant plus, de se mélanger génétiquement à certains petits dinosaures. Je passe le nom de ces dinosaures. Et ces peuples-là existent encore aujourd'hui. Ils vivent sous terre et ils ont une génétique assez lézardienne, lézardoïde. On les connaît sous le terme d'intraterrestres souvent. Et habituellement, quand l'être humain voit des extraterrestres, il voit des intraterrestres. Bon. Et ça veut dire que la vision qu'Annie avait avec le gros vaisseau là, qui arrive sur la Terre, c'est pas tout à fait faux. C'est jamais faux. Tout est possible. Bon, donc, intraterrestres. Les intraterrestres, ils ont comme travail, premièrement, les intraterrestres, la planète Terre se refroidit régulièrement. Les sous-sols, maintenant, commencent à se refroidir aussi. À l'époque des volcans, etc., il y avait suffisamment de gaz sulfureux nitreux, ce qui était utile à leur respiration. C'était suffisamment chaud. Ce sont des êtres à sang chaud quand même. D'ailleurs, il y avait plusieurs dinosaures qui étaient à 100 chaud, c'était pas tous à 100 fois, parmi les petits. Et eux, ils travaillent à l'humano-coïncidence génétique. C'est un projet qu'ils ont mis en marche depuis belle lurette et même un peu avant. Créer une coïncidence génétique entre leur génétique et celle de l'humain. Chaque fois que, bon, au départ, ils ont essayé de créer une bio-coïncidence génétique avec des animaux. Ça a créé un paquet d'animaux qui ont servi à alimenter les forces astrales du point de vue de l'horreur. Ça l'a créé des gargouilles, ça l'a créé des gens belzébutiens, ça l'a créé un paquet de phénomènes du genre, des êtres que l'humain a rencontrés et vus. Par la suite, ils sont attaqués régulièrement aux femmes, aux enfants, dans le but de ramasser leur génétique. Régulièrement, encore aujourd'hui sur la planète Terre, on a des vagues d'enlèvement ou vagues d'enfantement, ou etc. Ça veut dire qu'il y a des films comme Communion, où il y en a eu plusieurs. C'est vrai, ils sont des intraterrestres. Mais est-ce qu'ils sont encore aussi actifs?